On ne peut y échapper. Sur les affiches ou à la télé, l'heure des élections est arrivée. Il va falloir aller voter. Tous représentants au trône de France, moi j'arrive pas à les plairer. Leurs fausses promesses me font gerber. Voilà revenu, elle casse pas un autre suivant tous ces politiques de corrompus.